Meilleurs amis, bonnes copines, bande de potes, vieux camarades ou ennemis jurés, LSD à l'heure d'été, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à l'école des filles, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, France Culture fait sa rentrée et LSD fera le bilan de notre printemps confiné. Mais en attendant, restez à l'écoute.